بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس السابع عشر 17e leçon في السؤال الواحد وثمانين 81e question ما حكم إنكار وجود الجن quel est le jugement qui se rapporte à celui qui aura renié l'existence des djinns ces djinns qui sont ces créatures mukallaf comme l'être humain qui ont été créés de feu et qui sont la progéniture de إبليس. قال إنكار وجود الجن كفر لأنه إنكار للقرآن. Le fait de renier leur existence serait de la mécréance car cela revient à démentir le Coran qui lui a affirmé leur existence. كما قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. Dit il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont écouté, c'est-à-dire ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, ces djinns, nous avons entendu une récitation surprenante. Une lecture surprenante en parlant de là, en visant par là la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Qur'an, en arabe, Qur'an ou Mu'Qur'an, veut dire lecture. C'est un mazdar de Qara'a, qui veut dire lire. Surat Jin, verset 1. Et plein d'autres versets qui démontrent que le djinn existe. Et même, ils rentrent dans l'être humain et peuvent lui nuire, et cela avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car eux n'ont aucun pouvoir. Et les djinns, parmi eux, ils sont comme les êtres humains. Parmi eux, il y a les croyants, parmi eux, il y a les mécréants, parmi eux, il y a les pieux, parmi eux, il y a les pervers, parmi eux, il y a les innovateurs, et ainsi de suite. Ce n'est pas tout djinn qui est forcément un shaitan. Et le shaitan, on le trouve chez les djinns et chez les hommes. C'est-à-dire les hommes sont des shayatins, et les djinns sont des shayatins. Bien que chez les djinns, la chose qui est la plus fréquente, c'est le mal. Le mensonge. C'est-à-dire les djinns, de façon générale, sont plus mauvais que les êtres humains. Mais parmi eux, il y a des gens pieux, les croyants, et même les salafis. Mais ils sont moins nombreux que chez les humains. Par contre, il n'y a pas eu chez eux de messagers. Les messagers n'ont été que chez les humains. Et les prophètes. ثُمَّ قَالَ فِي السُّوَالِ أَثَانِ وَثَمَانِينَ 82e question. مَا حُكْمُ تَرْكَ الصَّلَةِ Quel est le jugement de celui qui délaisse la salat, volontairement, sans excuse. قَالَ هَذَا كُفْرٌ Cela est de la mécréance. والدليل حديث جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة qu'il y a entre l'homme et la mécréance ou l'association c'est quoi la barrière c'est la salat c'est-à-dire celui qui l'aura délaissé sera tombé dans le kufr et dans le shirk c'est une masala sur laquelle il y a eu divergence d'accord mais la parole la plus authentique c'est que celui qui ne fait pas la salat comme le prouvent plusieurs adillah qui sont très nombreux qu'il est, vient, il devient mécréant d'une mécréance majeure. Et cela qu'il soit en reniant son côté obligatoire, ou que ce soit par fainéantise, qu'il ne la fasse pas volontairement, d'accord, volontairement, et il est en mesure de la faire, il aura mécru, ne serait-ce qu'une seule salate. Ne serait-ce qu'une seule salate. Bien sûr, la porte du repentir est ouverte. Mais au moment où il aura délaissé, il aura mécru. Voilà, azubillah. Souma qu'Allah fi souel athalis wa thamanin, 83e question. Ma hukm sabb as-sahabati wa la'nihim. Qu'en est-il du fait d'insulter les sahaba et de les maudire? Les sahaba qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le sahabi, le compagnon, celui qui aura rencontré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aura vu que le rencontrer, ne serait-ce qu'un instant, en croyant en lui, et cet homme, le sahabi, est mort sur cette croyance, sur cette foi. Même si entre-temps il aura apostasié, comme c'est le cas de certains qui ont apostasié après son revenu à l'islam. S'il est mort sur l'islam, son statut de sahabi lui reste. Et ce statut est le meilleur statut qui existe chez les êtres humains. Après les prophètes, les meilleurs des hommes, ce sont les sahaba. De façon absolue. Et eux, les sahaba diffèrent, ils sont de différents niveaux. Entre les grands sahaba, parmi eux les quatre califes bien guidés, et parmi eux Abu Bakr, radiallahu anhu, qui est le meilleur des sahaba. Après Omar, après Ali, ou plutôt après Othman, après Ali. D'accord? Après les 10 promis au paradis, et ainsi de suite. Et les Muhajirun, après les Ansar, après ceux qui ont combattu à Badr, après ceux qui ont combattu jusqu'à Al-Fatah, Mecca, et par la suite. Et ils sont de différents degrés. Mais le moindre sahabi reste meilleur que l'un d'entre nous. Et celui qui dénigre cela, comme cela va arriver, est un rafidi. Donc le fait de les insulter ou cela est de la mécréance car cela s'oppose au verset où Allah Azza wa Jal fait leur éloge et les loue. D'accord ? Naam. وجاء في حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Que celui qui aura insulté mes compagnons, alors que la malédiction d'Allah soit sur lui, que la malédiction d'Allah soit sur lui, ainsi que celle des anges et celle de tous les hommes, et que Allah n'acceptera rien de lui. Et le hadith a été apporté par l'imam Ahmed et authentifié par Al-Albani, mais il y a une divergence, certains ne voient pas qu'il est authentique. Quoi qu'il en soit, le sens reste réel que celui qui insulte les sahaba mécroit. Naam. قال في سؤال الرابع وثمانين في أي سورة قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans le sens où il a dit les précédents parmi les premiers et les Muhajirin et l'Ansar et ceux qu'ils ont suivis dans l'excellence. Allah les agrée et ils agréent Allah. Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront éternellement. Et cela est la victoire éclatante, la grande victoire. Verset 100, justement, dans quel surat se trouve ce verset? Surat At-Tawba, le repentir, le 100e verset. Qui répond à ce qu'on a cité auparavant. Le rang des sahaba. Le rang des sahaba, que Allah les agrée, ils agréent Allah. Donc on ne peut les insulter, ni les rendre mécréants encore moins, et ainsi de suite. Car ces gens-là, ce sont eux qui ont été la cause pour que la religion nous parvienne jusqu'à cette époque. Et ainsi de suite. Donc s'en prendre à eux revient s'en prendre à la religion. Les individus en eux-mêmes ne sont pas infaillibles, car la révélation n'est descendue que sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas permis de s'en prendre à eux. Je me l'atteins au torsil. Maintenant, comme on dit, il se peut que dans les masa'il, certains sahabas ont fait un ijtihad, ils n'ont pas vu juste, ou d'autres, certains ont vu ont mis des jugements ou des paroles, alors que le dalil ne leur est pas parvenu. Ils sont excusés en cela. Ils sont excusés en cela à 100%. ثم قال في السؤال 85, 85e question, ما هم الذين يسبون الصحابة? Qui sont ceux qui justement insultent les sahabas? Ce sont les rafidah. Les rafidah sont une branche des shi'a, des chiites. La branche extrême et qui exagère. Outrancière. Et les rafidans sont les mécréants. On ne dit pas que tout chiite est mécréant. Parmi eux, certains n'ont pas atteint le stade de la mécréance, mais qui sont des égarés. Mais les rafidans, eux, le sont. Et ils prétendent aimer les gens de la maison prophétique, et cela est un mensonge. Et en réalité, les rafidans sont une branche du judaïsme. Ils sont les petits-fils des juifs. D'accord ? Et le premier, justement, qui a instauré cette bida, c'était un juif à la base. ثم قال في السؤال السابع أو السادس وثمانين 86e question. من أضل الفرق التي تدعي الإسلام? Quels sont les groupes les plus égarés parmi ceux qui prétendent être musulmans? Car ce n'est pas toute personne qui prétend être musulmane qui l'est forcément. On fait attention à cela. Nous, on ne se leurre pas par les nominations. On regarde les actes, d'accord, et on voit quel est le titre de la croyance de la personne. Donc, des gens se prétendent muslimines, ne le sont pas. Et parmi eux, les plus grandes sectes égarées, il y a les Baratiniyah, qui eux prétendent que les versets ont des sens cachés, que seuls, qui sont connus que par leurs imams, que eux seuls connaissent et nous, on ne connaît pas. C'est-à-dire, quand tu vois un verset qui est clair, ils disent non, le sens n'est pas ce que tu crois, le sens il est caché. Et les Rafidah, et ils sont tous pareils également. Les Baratiniya sont une branche des Rafida. Ou les Jahmiya, qui sont les Atbar de Jahmi ibn Safwan. Et eux également, ils ont de grands également, et parmi ceux-là, qui renient tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ghulat et Soufiya, les exagérateurs parmi les Soufis. Ceux qui délaissent même les adorations, qui disent qu'ils ont atteint la yaqin, la certitude. Et ils commettent les plus grandes des perversions, et disant cela, moi je peux le faire, mais toi tu ne peux pas le faire, par exemple. Ou ceux qui se font adorer, ils appellent à être adorés en dehors d'Allah. Et ainsi de suite. Donc on ne dit pas que tout soufi rentre là-dedans, mais ceux qui ont exagéré parmi eux rentrent dedans. Ils ne sont pas des musulmans. Et ils font du shirk akbar, et parmi les pires genres de shirk, qui soient peut-être pires que le shirk que le Quraysh faisait auparavant. Wallahi azbillah. Puis il dit, ma yel demokratiya. Qu'est-ce que la démocratie? Regardez ce qu'on apprend aux enfants. C'est important, car aujourd'hui la démocratie, c'est le régime principal instauré sur Terre. D'accord? Donc il dit, la démocratie, c'est que le peuple se gouverne par lui-même. Et nous avons pris auparavant, le jugement revient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, le peuple décide. Et selon la majorité, ils décident. S'ils veulent quelque chose, ils décident. S'ils veulent établir une loi, quitte à ce qu'elle s'oppose à celle d'Allah, s'ils ont voté, par exemple, et qu'ils sont tous, la plupart d'entre eux sont d'accord, cette loi sera instaurée. Et si jamais ils veulent abolir une loi, si jamais la majorité l'emporte lors des élections, cette loi sera abolie, même si c'est une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela est de la mécréance. Comme ils le veulent citer maintenant, fi souel, thamin wa thamanin. 88e question. Ma hukm al-demokratiya, quel est son jugement? On dit shirkun akbar. C'est de l'association majeure. Wa qala ta'ala, inil hukmu illa lillah. Le jugement ne revient qu'à Allah. Wa la tushrik fi hukmihi ahada. Et n'associe personne à son jugement. Al-Kahf, verset 26. Le verset d'avant que j'ai cité auparavant, c'est le An'am, le bestiaux, verset 57. Donc le jugement d'Allah, il est clair, on n'a pas à le changer. Ni en votant, ni en manifestant, ni en contestant. Celui qui fait cela aura mécru. Celui qui fait cela aura mécru. S'il a confiance et qu'il sait que ce jugement, c'est celui d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et même qu'il déteste ce jugement, même s'il l'applique, il le déteste, il aura mécru également. Comme cela est dans les annulatifs de l'islam. Ce qu'on appelle l'esprit de parti, ou que des gens appellent sectarisme. 89e question. Donc maintenant, quel est ce jugement par rapport à ces partis? Cela est interdit, cela est une innovation. Et ne sois pas du nombre des associateurs, ceux qui ont divisé leur religion en partis, et qui étaient des partisans. Et chaque parti se réjouissait de ce qu'il possédait. À Rome, versets 31 à 32. Wa qulu ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Et accrochez-vous tous à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Al-Imran, verset 103. Donc la hizbiya, bien à comprendre, ce n'est pas forcément comme les gens veulent l'attribuer à la salafia, qui sont des hizbi. Non. Car aimer pour Allah, et aimer ce que Allah aime, détester pour Allah, et détester ce que Allah déteste, et s'unir pour cela, et se désavouer pour cela, et s'aller pour cela, cela s'appelle de l'iman. Et le faire pour autre que Allah, cela est de la hizbiya. Même si ceux qui s'allient pour Allah sont que deux, et délaissent les autres, et les autres sont des millions, d'accord, et n'acceptent pas ces deux-là, ce ne sont pas les, parce qu'ils sont que deux qui sont sectaires. Les sectaires sont ceux qui refusent de s'allier et de se désavouer pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils le font pour autre chose. Ils le font pour autre chose. Même s'ils sont plus nombreux, et qu'ils paraissent qu'ils sont ouverts à tout le monde. Moi j'aime un tel, moi j'aime un tel, j'aime un tel, je ne suis pas sectaire. Et on dit pourquoi tu n'aimes pas un tel? Pour quelle raison? Il va sortir une raison qui n'est pas légiférée. Donc de là il sera devenu hizbi. Ou il va dire pourquoi tu aimes un tel et un tel et un tel, alors que ces gens-là ont des transgressions à la religion, ils veulent sortir une raison qui n'est pas légiférée. Également. Il sera, le rapport cela rentre dans la hizbiya. Par exemple, il va préférer son ami, parce que c'est son ami, même s'il fait des transgressions, à quelqu'un qui n'est pas son ami, mais qui est pieux. Ça, c'est de la hizbiya. Cela rentre dedans. Et c'est très très large. Naam. Fabien al-Kod Naktafi, wa alhamdulillah bil alamin.